إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue encore à Sharh al-Qawa'id al-Arba'a de l'imam Muhammad Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et hier, on a expliqué les deux premières qa'idas. Et aujourd'hui, on rentre dans la troisième qa'ida, la troisième règle. Et c'est celle-ci. On va lire le texte du Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Et tout de suite après, Inch'Allah, on commence à lire l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan à ce sujet-là, et c'est une explication vraiment intéressante et très remplie d'informations bénéfiques et très importantes. Donc le Cheikh il dit القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس أو ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique la troisième règle. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu, il est apparu parmi des gens qui adoraient, qui avaient des adorations différentes. Ils étaient tous divisés dans leur façon d'adorer. Certains d'entre eux adoraient les anges, certains d'entre eux adoraient les prophètes, certains d'entre eux adoraient les hommes pieux, d'autres adoraient les roches, les pierres, les arbres, d'autres adoraient le soleil, et d'autres adoraient la lune. Et le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a fait aucune distinction entre ces différents groupes ou entre ces différents choses qu'ils adoraient. Il les a tous considérés comme étant des kuffars et il les a tous combattus, sans exception. Donc, le Cheikh, on voit que dans les règles qu'on a lues jusqu'à maintenant et dans cette règle-ci, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a su comment résumer les arguments et réunir les points les plus importants sur lesquels on se concentre quand on fait la da'wah et quand on appelle les gens au tawhid, et comment on essaie de, ou comment on fait pour prouver ou pour montrer aux gens qui ont la shubha ou qui ont des doutes au sujet du tawhid, comment on fait pour les ramener à la bonne compréhension en ce qui concerne l'adoration d'Allah et de lui vouer un culte unique. Donc il se concentre sur des points clés, et là on voit qu'il essaie d'expliquer aux mouchriquins et à ceux qui adorent autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu aux Arabes à l'époque, et qu'il les a trouvés, c'est pas seulement qu'ils adoraient tous des idoles, il y en avait qui adoraient des idoles, il y en avait qui adoraient des hommes pieux, et à l'origine même des idoles, et on retrouve que quand on remonte, c'était des hommes pieux de qui on a fait des statues, ou qu'on représente par des statues ou des images, ou bien c'était des anges, ou bien c'était des djinns, ou bien c'était des choses en dehors d'Allah, il y en a différentes formes. Et donc, ils étaient tous en train d'adorer différentes choses, mais ils sont tous réunis dans le fait qu'ils sont tous en train de faire quelque chose qui est considéré comme étant shirk, shirk billah. Donc, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique cette règle, la troisième, et il explique en disant, النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقين في عباداتهم ويجمعهم ضابط ولا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين فتكثر تفرقاتهم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Le Cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers des gens qui adoraient, c'était des mouchriquins, et ils adoraient certains parmi eux adoraient les anges, certains parmi eux adoraient le soleil, certains parmi eux adoraient la lune, certains parmi eux adoraient des idoles, certains parmi eux adoraient les arbres et les pierres, certains parmi eux adoraient les awliya, les saints, والصالحين, et les gens pieux, il y en a parmi eux. Donc ça veut dire qu'ils avaient tous des différences dans ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'étaient pas unis dans ce qu'ils adoraient. Et ça, le chef il dit que ça fait partie de la laideur du shirk. Ça fait partie de la laideur du shirk du fait que les gens qui pratiquent le shirk et qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas capables de se réunir sur une seule et unique chose dans leurs adorations. Contrairement aux muwahhidin, les gens qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, leur objet d'adoration est unique, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il mentionne le verset « أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » C'est-à-dire, est-ce que des seigneurs divisés sont mieux ou bien Allah l'unique et Al-Qahhar, celui qui a le dessus sur toute chose. Donc, yani, c'est bien clair, c'est bien facile de répondre à cette question, yani. Des fois tu discutes avec des gens, par exemple des hindous, les hindous sont divisés dans leur forme d'adoration et dans leur objet d'adoration. En Inde, ils ont des milliers de différences de dieux, il y en a différents. Dans une même famille, dans une même maison, tu retrouves différents dieux, différentes statues que les gens à qui il y en a, on offre des actions d'adoration. Donc chacun, ils ont leur petite divinité sur une table ou sur un bureau ou quelque chose, et le matin, avant d'aller travailler, on fait une petite prière devant, ils donnent des fruits, de l'encens, des oranges, de l'argent, des trucs comme ça. Donc ça c'est des exemples que là ils sont divisés dans leurs objets d'adoration, et quand tu dis à un d'entre eux, qu'est-ce que tu adores, ton Dieu à toi c'est le Dieu de quoi, il dit ben moi mon Dieu c'est le Dieu du ciel, et l'autre il dit moi mon Dieu c'est le Dieu de l'eau, et l'autre il dit moi mon Dieu c'est le Dieu des fruits, et l'autre il dit moi mon Dieu c'est le Dieu par exemple de l'argent. Donc chacun ils ont une spécialité. Et il dit ben moi mon Dieu il a le contrôle sur tout ça en même temps. C'est pas mieux ça, ou bien dit qu'il contrôle juste une petite affaire. Et bien c'est bien facile de comprendre que c'est mieux que tu adores celui qui contrôle toutes choses, et c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit parmi les aspects négatifs du shirk et parmi les faussetés du shirk, c'est que les gens sont tous divisés dans leurs adorations. Il n'y a rien qui les réunisse. Hein, et ça c'est ce qu'on retrouve dans les religions des gens du shirk. Ils adorent tous des choses différentes et ils s'unissent sur rien. C'est une chose très grave, qu'est-ce que tu appelles, à laquelle tu appelles les mouchriquins. Pour eux, c'est quelque chose, ils peuvent même pas le concevoir, tellement pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable, parce qu'ils regardent quand tu les appelles à s'unir dans la religion et adorer un Dieu unique. Pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable. Et même aujourd'hui, tu entends des mouchriquins, quand tu leur parles, même des koufars, tu dis, mais il faut que toute l'humanité soit unie sur une seule et même foi. Et qu'ils adorent tous le Créateur. Ils disent, mais non, tout le monde ne peut pas être sur une seule religion. Il faut qu'il y ait de la diversité. Il faut qu'il y ait de ci, il faut qu'il y ait de ça. Ils ne peuvent pas concevoir que tous les êtres humains croient et adorent le même Créateur, le même Dieu, hein, et qu'ils se soumettent tous à lui. Donc, le cheikh, il dit, ça fait partie de la laideur de la religion des mouchriquins et du shirk. Ils sont tous divisés. Parce qu'ils ne se basent pas sur rien de fondamental, ils n'ont pas de base. Ils se basent uniquement sur leurs désirs, sur leurs passions et sur des slogans qui les égarent en fait. Et le chef il dit, c'est pour ça qu'ils sont toujours divisés entre eux. Et il donne l'exemple dans un verset qui est le verset 29 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un exemple, hein, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un exemple, un homme qui appartient à des partenaires, c'est-à-dire c'est un esclave et il a plusieurs maîtres. Tandis qu'un autre homme qui est esclave aussi, sauf qu'il est, il a un seul maître. Okay? Il dit, est-ce qu'ils sont égaux, ces deux-là? Alhamdulillah, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, le cheikh il mentionne ce verset dans lequel Allah il nous donne l'exemple d'un homme qui a plusieurs maîtres et un autre qui a un seul maître. Après le chef, il explique ce verset-là. Il dit, « فَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ مِثْلُ الْمَمْلُوكَ الَّذِي يَعْبُدُهُ أو يَعْبُدُهُ يَعْبُدُهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ يَرْتَاحُ مَعَهُ يَعْرِفُ مَقَاصِدَهُ وَيَعْرِفُ مَطَالِبَهُ وَيَرْتَاحُ مَعَهُ وَلَكِنَّ الْمُشْرِكَ مثل الذي له عدة ممالك أو عدة مالكين ما يدري من يرضي منهم كل واحد له هوى كل واحد له طلب كل واحد له رغبة كل واحد يريده أن يأتي عنده ولهذا قال سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم ورجلا سلما لرجل مالكه شخص واحد هذا يرتاح معه هذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد. Donc le chef il dit que Allah a donné cet exemple pour mentionner l'exemple de celui qui par exemple adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il dit que ça c'est comme celui qui a un seul maître, il est en paix avec lui, il relaxe avec lui. Parce qu'il sait qu'il y a seulement un seul maître qui va lui demander de faire une chose et il le fait une fois, une chose à la fois, etc. Tandis que le mushrik, c'est comme si quelqu'un qui a plusieurs maîtres. Et chacun de ses maîtres veut que cet esclave fasse quelque chose pour lui en même temps. Hein? Ou bien à des différents moments, mais il lui dit, okay, chacun il a son désir pour, il veut quelque chose de lui. Chacun veut que cet esclave fasse un travail pour lui. Donc il doit se diviser pour chacun de ses différents maîtres. Et ça c'est difficile pour l'esclave parce que il sait pas lequel de ses maîtres il doit commencer ou il doit servir ou plaire, satisfaire en premier. Hein? Et donc, ses maîtres ne sont jamais satisfaits de lui et lui n'est jamais en paix parce qu'il doit toujours courir pour essayer de satisfaire tous ses maîtres. Donc, ça c'est l'exemple du mushrik qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour faire comprendre la différence entre celui qui adore un Dieu unique et celui qui adore plusieurs dieux. الشيخ يقول فالمشركون متفرقون في عباداتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم ولم يفرق بينهم قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين لم يفرق بينهم فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله donc le cheikh il explique il dit que donc les mouchriquins sont tous divisés dans leur adoration et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans exception et il n'a pas fait de distinction entre les idolâtres entre les juifs, entre les chrétiens entre les majus, entre les mouchriquins il les a tous considérés pareils il a combattu ceux qui adoraient les anges ceux qui adoraient les awliyas, les saints les hommes pieux, il n'a pas fait aucune distinction entre ces différents groupes et ces différentes sortes de mouchriquins, parce qu'à la base, c'est tout ce qu'ils font, c'est la même chose, c'est-à-dire « al-shirk billah ». Ils associent tous avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et le cheikh il dit « فَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ » comme on a dit, et il y a donc une réfutation dans ça. Dans ça, il y a une réfutation de celui qui dit, celui qui adore une idole, c'est pas comme celui qui adore un homme pieux, ou bien un ange parmi les anges. Parce que ceux-là, ils disent, ceux qui font le shirk, qui adorent les tombes aujourd'hui, parmi les musulmans, parmi ceux qui se disent musulmans dans les pays musulmans, ils adorent les tombes et ils disent, non, nous, ce qu'on fait, c'est pas pareil. On adore un homme pieux, on prie à un homme pieux, on demande l'intercession et des choses comme ça, tandis que eux, ils adoraient des idoles, des pierres, des arbres, des choses comme ça, et c'est des choses inertes. Tandis que l'homme qu'on prie ou à qui on demande, il fait partie des awliya d'Allah, et donc c'est pas la même chose que d'adorer une idole. Et donc ils veulent essayer de faire une différence. Les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ils veulent essayer de faire une différence pour essayer de se distinguer, pour dire non, nous qu'est-ce qu'on fait, c'est pas la même chose que qu'est-ce que les gens faisaient à l'époque. Eux ils adoraient des idoles, et nous on n'adore pas des idoles, donc on n'est pas des koufars. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est pas shirk, et donc c'est pas permis de nous combattre. Ça c'est l'argument qu'ils essaient d'utiliser. Et c'est pour ça donc que le cheikh Mohamed Abdul Wahhab a mis ça comme une de ses règles, pour faire comprendre qu'en réalité, la distinction qu'ils essaient de faire, elle n'a aucune réalité. Parce qu'il n'y a, en réalité, il n'y a pas de différence entre le fait d'adorer une idole ou le fait d'adorer un des awliya comme eux ils le prétendent. الشيخ يقول فنقول الرسول لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم نعم واستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح والمسيح رسول الله ومع هذا قتلهم واليهود يعبدون عزيرا وهو من أولياء من أنبيائهم أو من صالحيهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. donc le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous on dit à ces mouchriquins on leur répond en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas distingué entre eux il a considéré que les mouchriquins sont tous halal dans leur sein et dans leur bien et il n'a pas fait de distinction entre eux entre ceux qui adorent le messie Isa ibn Maryam alors que le messie c'est un des messagers d'Allah et malgré tout il les a combattus et les juifs ils adorent Uzair et c'est un parmi leurs prophètes ou un de leurs hommes parmi leurs hommes pieux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même les a combattus et il n'a pas fait de distinction entre eux et les autres donc le cheikh dit fal mushrik la tafriqa fihi bayna man ya'bud rajulan salihan ou ya'budu salaman ou hajaran ou shajaran لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة الشيئة فيه سياق في سياق النهي تعم كل شيء، تعم كل شيء وتعم كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار. Donc le cheikh il dit que le mushrik, il n'y a pas de distinction dans le mushrik, entre celui qui adore un homme pieux ou celui qui adore une idole ou une pierre ou un arbre. Parce que le shirk c'est quoi? C'est quoi le shirk? C'est d'adorer autre que Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Que ce soit une idole, que ce soit un arbre, que ce soit un djinn, que ce soit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le prophète Isa, que ce soit Ibrahim ou Moussa, que ce soit un djinn, que ce soit, peu importe, yani, qu'est-ce que tu peux adorer en dehors d'Allah, c'est, même si c'est yani, une pile hein, qu'on met dans un appareil électronique, ou bien un micro, ou n'importe quoi, yani, c'est pas la chose qui est importante. Depuis que tu l'adores, ça devient du shirk, et celui qui l'adore, cette chose, elle est considérée comme un shirk. Donc c'est pas la, même que ce soit vivant ou inerte, que ce soit un animal ou un être humain, que ce soit quelque chose de rien, c'est pas la chose elle-même qui compte. Si c'est autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne mérite pas d'être adoré. Et si ça ne mérite pas d'être adoré, parce que le fait de l'adorer, c'est un acte de shirk d'Allah. Ok? Et donc, le cheikh, il mentionne comme preuve de ça, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, adorer Allah et n'associer avec lui rien. Hein? Et rien, ou, yani, aucune chose, ça veut dire, c'est général, hein, c'est général, ça veut dire ça comprend tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah, sans exception. Comme le cheikh il dit, ta'ummu kulla man ushrika ma'Allah, tout ce qui peut être associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ça rentre dans l'interdiction. Que ce soit les anges, les messagers, les hommes pieux, les awliya, les roches, les pierres, peu importe, hein. Après le cheikh, il continue, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne des exemples de preuves de chaque catégorie de ces formes d'interdiction dans l'adoration. Et il dit par exemple, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَلَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهُ. Ça c'est le verset 193 dans surat al-Baqarah. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire la preuve, une des preuves de ce point-là, c'est le verset 193 qui dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit à Allah, soit pour Allah. » Et le chef, il n'a pas expliqué, il n'a pas dit, mais, ah oui, il l'a dit, en fait, c'est que le mot fitna dans ce verset-là, ça veut dire le shirk. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion soit uniquement pour Allah. Et on va l'expliquer ce verset-là. Le cheikh dit وَقَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله تعالى وقاتلوهم وهذا عام لكل المشركين لم يستبني أحدا ثم قال حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك أي لا يوجد شرك وهذا عام حتى لا يوجد شرك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا عام أي شرك أي شرك سواء الشرك في الأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر. Donc le cheikh il dit que ce verset-là, il y a une preuve dedans, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de combattre les mushrikins sans faire de distinction entre eux par rapport à ce qu'ils adorent. Sans faire de distinction entre eux par rapport à ce qu'ils adorent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et combattez-les, et ça c'est général pour tous les mushrikins. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait d'exception pour eux, pour aucun d'entre eux. Et il a dit, حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Et le cheikh a dit que la fitna ici, dans ce verset-là, c'est le shirk. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, et ça c'est général, hein, c'est-à-dire toute forme de shirk, sans exception. peu importe que ce soit un shirk avec les awliya, les saints, que ce soit un shirk avec les hommes pieux, ou le shirk avec les pierres, ou avec les roches, ou avec le soleil ou la lune, peu importe quelle forme de shirk, tant qu'il y en a du shirk, eh bien, on est ordonné et commandé par Allah subhanahu wa ta'ala de combattre pour éliminer ce shirk. D'accord ? Et le cheikh il continue l'explication, il dit « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تَكُونُ الْعِبَادَةِ كُلُّهَا لِلَّهِ لَيْسَ فِيهَا شَرِكَةٍ لِأَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوْ بِالْأَشْجَارِ أَوْ بِالشَّيَاطِينِ أَوْ غَيْرِهِمْ » Cheikh il dit « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ » C'est-à-dire que la religion, l'adoration doit être pour Allah lui seul. Toute l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas qu'il n'y ait aucun partenaire, aucune association de n'importe quelle sorte elle peut être, de n'importe quelle catégorie elle peut être, il ne faut pas qu'il y en ait de, aucune forme de shirk. Bala farq, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre le shirk avec les awliyas et les salihis et les pierres et les arbres et les shayatins ou autres d'entre ces formes-là. Il mentionne une autre preuve après qui dit « وَدَلِيلُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ قَوْلُهُ تَعَلَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ » Ça veut dire quoi ce verset-là? Ça veut dire « Et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas au soleil et ni à la lune. » Donc ça c'est le verset 37 dans Surat Fussilat. Le cheikh explique ce verset-là en disant « Dalla ala anna hunaka man yasjud lishamsi wal qamar wa lihada naha rasul sallallahu alayhi wa sallam anis salati inda tulu'i shams wa inda ghurubiha. » نعم سدا للذريعه لان هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها فنهينا ان نصلي في هذين الوقتين وان كانت الصلاه لله ولكن لما كان في الصلاه في هذا الوقت مشابهه لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعه التي تقضي التي تفضي إلى الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه. الشيخ يكسبليك ici, il dit que dans ce verset-là, il y a la preuve que il y a parmi les êtres humains certains qui se prosternent au soleil et à la lune. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire la salat lorsque le soleil se couche et lorsque le soleil se lève pour fermer la porte à ces formes de shirk. D'accord? Parce que si c'était permis de faire la prière au lever au coucher du soleil comme le font les mushrikins, eh ben, les gens pourraient croire que les musulmans adorent le soleil. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu fermer la porte à ça, et donc il nous a interdit de prier dans ces deux moments de la journée. Et, yani, le cheikh il explique et il dit, on est interdit de prier dans ces deux moments de la journée, et la raison de l'interdiction c'est parce qu'il y a une ressemblance dans le fait de faire la prière à ces deux moments-là, il y a une ressemblance avec ce que font les mouchriquins qui adorent le soleil. D'accord? Et en même temps, il y a une preuve claire ici du fait que on regarde pas l'intention. On doit pas regarder l'intention d'une personne lorsqu'il émette les mouchriquins et les koufars. Et que l'interdiction de ressembler aux koufars et aux mouchriquins, ça n'a rien à voir avec l'intention. C'est-à-dire, il y en a des gens, par exemple, ils imitent les koufars et les mouchriquins et ils disent, moi, mon intention, c'est pas de les imiter. Mais ça n'a rien à voir avec l'intention parce que qu'est-ce que tu fais, c'est une imitation. Et que ton intention soit de les imiter ou non, tu les imites. Et donc ça, ça prouve que c'est interdit d'imiter les mouchriquins et les koufars dans l'adoration, dans la religion et dans les autres aspects de la vie, peu importe que tu aies l'intention de les imiter ou non. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre « Iqtiba Sirat al-Mustaqim », il a expliqué ce principe-là. Ok, donc c'est juste une faïda en passant pour clarifier ce point. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire la prière à ce moment-là parce que c'est pour fermer la porte. C'est un principe qu'on appelle en arabe « Sadd al-Zari'a », ça fait partie de la charia, « Sadd al-Zara'a », c'est-à-dire de bloquer le chemin ou fermer la porte à ce qui pourrait nous amener à tomber dans quelque chose de haram. Même si ce n'est pas haram en lui-même, parce que nous quand on prie on n'adore pas le soleil. Même si le soleil est devant nous quand on se prosterne, par exemple, on n'adore pas le soleil, hein. Mais, comme par exemple, on fait la salat, on se prosterne en direction de la Kaaba. On n'adore pas la Kaaba. On se prosterne en direction du mur. On n'adore pas le mur. D'accord? Mais, comme, le cheikh explique, étant donné que les mouchriquins, ils prient le soleil, et que c'est quelque chose de connu, alors dans ce cas-là, pour fermer la porte au shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prier à ces moments-là. Ça s'appelle Sadd al-Zari'a. Par exemple, le fait de regarder une femme, ça peut t'amener à avoir envie de lui parler. Et avoir envie de lui parler, ça peut t'amener à quelque chose d'autre qui à la fin peut t'amener au zina. Donc pour fermer la porte à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de baisser le regard. Donc ça c'est un exemple du principe que tu fermes la porte à quelque chose qui peut t'amener à quelque chose de plus grave. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans ce cas-là que le shirk, hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les exemples qu'il nous a enseignés, il nous a toujours fermé les portes à tout ce qui pouvait nous amener à tomber dans le shirk billah. نعم. Donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il donne une autre preuve en ce qui concerne l'interdiction d'adorer les anges. Il dit وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ, la preuve qu'il y a des hommes qui adorent les anges, قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Ça c'est le verset 80 dans Surat Ali Imran. Le Cheikh il explique, il dit وَقَوْلُهُ دَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ إِلَى آخِرِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَأَنَّ نعم دليل أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك. وعباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر. Donc le cheikh il dit le verset, la preuve du verset 80 dans Surat Ali Imran, ça dit, et le prophète ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme des seigneurs en dehors d'Allah dans l'adoration. Et il dit donc le cheikh que ça c'est la preuve qu'il y a des gens qui adorent les anges et les prophètes et que ça c'est chiite. Et les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ils disent que d'adorer les anges et d'adorer les prophètes et les hommes pieux, ce n'est pas kufr, hein. Donc ça montre que, ce verset-là montre en fait qu'ils ont tort et qu'ils mentent. Le cheikh il dit ensuite, وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَا, la preuve qu'il y a des gens qui adorent les prophètes. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذا verset que le cheikh a montré pour a mentionné pour prouver que certains parmi les hommes adorent les prophètes. Et le verset c'est le verset 116 dans sourate Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, il dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va dire ô Isa, ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa, il va répondre, Subhanak, gloire à toi. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. C'est-à-dire qu'Allah soit purifié de ce que ces gens-là ont fait en t'adorant, en adorant autre que toi. Il dit, je n'ai pas le droit de dire, accepter ce qui est la vérité. J'ai pas le droit de dire une chose comme ça, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et c'est toi qui connais l'invisible. Donc ça, on a dans ce verset-là en même temps, la réponse d'Isa ibn Maryam à la question, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes de m'adorer? Est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes de t'adorer, toi et ta mère? Et Isa qui répond, il dit non, je n'ai jamais dit ça. Et même aujourd'hui, si vous regardez dans la Bible, des chrétiens qu'ils ont entre leurs mains aujourd'hui, vous trouvez que Isa n'a jamais dit ça. Wa qawluhu, le cheikh il explique ce verset-là. Et ce point-là, le cheikh il dit, قوله والدليل ودليل الأنبياء إلى آخره هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام. نعم. donc le cheikh il explique, il dit, نعم. وفيه رد على من فرق بين فرق في ذلك من عباد القبور. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوي عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا وينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط وهذا من المغالطة بارك الله فيك وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين اوكي لشيخ الزي سي et la preuve donc que certains parmi les hommes ont pris des prophètes comme des divinités c'est le verset qu'on a mentionné à propos de Isa ibn Maryam. Les chrétiens qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré Isa, ils ont pris Isa comme Dieu, alors que Isa n'a jamais dit aux gens d'adorer sa mère. La même chose, il y a des musulmans aujourd'hui qui ont pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un objet d'adoration, et ils lui demandent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de les aider, de les guider et de leur donner des choses. Donc ils prétendent que ça c'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils prétendent que ça c'est le respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité c'est du shirk. Ils font exactement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce que les chrétiens ont fait avec Isa. Et ils pensent qu'il y a une différence entre ce qu'ils font et ce que les chrétiens font, parce qu'ils disent, nous on ne dit pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le fils d'Allah, donc ça ne dérange pas. Il y en a beaucoup comme ça. Ils disent, nous on ne dit pas que Muhammad est le fils d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas-là c'est correct de l'invoquer en dehors d'Allah et de lui demander quelque chose en dehors d'Allah. Alors ça, c'est l'exemple de leur égarement et de leur ignorance. Parce qu'il n'y a pas de différence si tu dis que tu dises qu'il soit le fils d'Allah ou que tu ne dises pas qu'il soit le fils d'Allah. Ça, de dire qu'il est le fils d'Allah, c'est kufr en lui-même. C'est un kufr séparé, un kufr individuel. C'est-à-dire, ça, dire qu'il est le fils d'Allah, ça c'est kufr en lui-même, tout seul. Et de l'adorer et de lui demander en dehors d'Allah, ça c'est un autre kufr. C'est comme si tu rajoutes un chef par-dessus un autre. Donc les chrétiens par exemple, s'ils cessaient de dire que Jésus est le fils d'Allah, mais qu'ils continuaient à l'invoquer et à lui demander en dehors d'Allah, eh bien ils continueraient quand même à être des mouchriquins, même s'ils cessent de dire qu'il est le fils d'Allah. Donc ça c'est un point, beaucoup, souvent des musulmans ils se mélangent avec ça, ils pensent que c'est seulement de dire qu'il est fils d'Allah qui les fait rentrer dans le shirk. Donc tu trouves que des musulmans, quand c'est al-Mawlid al-Nabawi ou bien qu'assez d'autres situations, tu les vois, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière exagérée, hein, et ils donnent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des attributs divins, et ça c'est shirk billah, yarhamukallah. Donc le cheikh il dit ici, il y a donc une réfutation dans ce verset pour celui qui prétend que qu'il y a une distinction, une différence entre le fait de ce, entre ce que faisaient les mouchriquins, hein, et ce que font les gens qui adorent les tombes aujourd'hui. Et ça montre que d'adorer les prophètes en dehors d'Allah, c'est une forme de shirk, et que c'est la même chose que d'adorer une idole. Hein? Et le shirk dit, ouais. Et également, il y a une réfutation de ceux qui disent que d'adorer une idole, le shirk, c'est seulement d'adorer une idole, et qui veulent essayer de dire qu'il n'y a pas de, ressemblance, ou que c'est pas pareil d'adorer une idole ou d'adorer un homme pieux ou un saint ou un prophète. Il y a la preuve là-dedans que il y a que ce qu'ils disent est faux et que il n'y a aucune différence entre les deux, que les deux sont shirk. Et le shirk, il dit, il croit que le shirk se limite à l'adoration des idoles. Et ça, c'est une erreur de deux points de vue. Là, il va expliquer pourquoi c'est une erreur et c'est quoi les deux points de vue qui font que c'est une erreur. النحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع. والناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. Le cheikh il dit que là, du premier point de vue, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a rejeté et a réfuté tous, il les a tous réfutés, tous ceux qui adoraient quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un prophète ou autre. Et Allah a commandé de tous les combattre, sans exception. Et le deuxième point de vue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas distingué entre celui qui adorait une idole et celui qui adorait un ange ou celui qui adorait un homme pieux, hein, ou un prophète, comme Isa ibn Maryam. D'accord? Donc ça, ça y est pour les deux points. Le cheikh, il explique un autre exemple en ce qui concerne les hommes pieux. La preuve qu'il y a des gens qui adorent des hommes pieux. Le cheikh dit, « Oulaïka alladhina yad'ouna yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab » ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ce verset-là, c'est le verset 57 dans Sourate Al-Isra. C'est la preuve qu'il y a des gens qui adorent des hommes pieux en dehors d'Allah, au lieu d'adorer Allah seul. Et donc, le cheikh explique, il dit, ودليل الصالحين يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله أو عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم عباد محتاجون إلى الله متفرقون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته، فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. الشيخ الزي dans ce passage que il y a dans ça la preuve que certains parmi les êtres humains adorent les hommes pieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a qui adorent les hommes pieux parmi les hommes. Les hommes pieux, les hommes qui font du bien, qui prient, qui jeûnent, qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal, et qui pratiquent l'islam, qui ont bien pratiqué l'islam et qui sont morts ou qui sont vivants. Hein? Le cheikh il dit qu'il y en a qui adorent ces hommes-là au lieu d'adorer Allah seul. Et le cheikh il mentionne le verset pour prouver ça, il dit que ceux-là, ceux qu'ils invoquent, hein, ceux que les mouchriquins invoquent, eux-mêmes ils cherchent un moyen pour aller vers leur Seigneur, pour savoir lequel d'entre eux sera le plus proche. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc le cheikh il explique que ce verset-là, il était révélé au sujet de celui qui adorait Isa, Al-Masih, et celui qui adorait sa mère, Maryam, et Uzair. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là pour dire que vous qui êtes en train d'adorer Al-Masih, Isa, ou bien d'adorer Maryam, ou bien d'adorer Uzair, vous êtes en train d'adorer des êtres que eux-mêmes ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Hein, et qui espèrent en la miséricorde d'Allah et qui craignent le châtiment d'Allah. Donc pourquoi vous n'adorez pas Allah directement comme eux le faisaient plutôt que de chercher à vous rapprocher et à adorer ces êtres-là au lieu d'adorer Allah. Donc le cheikh explique, il dit que le Messie, et Maryam sa mère et Uzair sont tous des serviteurs d'Allah qui essayaient de se rapprocher à Allah, qui espéraient en la miséricorde d'Allah et qui craignaient son châtiment. Et ce sont donc tous des serviteurs qui avaient besoin d'Allah, hein, et qui étaient pauvres, indigents envers Allah, c'est-à-dire par rapport à Allah, ils ont besoin d'Allah. Et donc, ils cherchent des moyens eux-mêmes pour se rapprocher d'Allah. Donc toi, tu essaies de te rapprocher à eux, tandis que eux, ils essaient de se rapprocher à Allah. Hein, donc, essaie de suivre l'exemple de ces gens-là plutôt que de suivre plutôt que d'essayer de se rapprocher à eux. Et donc, يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ. Ils cherchent un moyen vers Allah. الْوَسِيلَ, وَسِيلَ en arabe, ça veut dire un moyen. Ok? Et donc, le cheikh, il dit, c'est quoi الْوَسِيلَ? C'est الْقُرْب. C'est un moyen de se rapprocher. Hein? Par l'obéissance. Par l'adoration. Et donc, ça prouve que ces êtres-là ne méritent pas l'adoration et d'être adorés. Parce que ce sont des êtres humains, ils sont pauvres, ils sont eux-mêmes en besoin. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils souhaitent sa miséricorde. Et ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est dans cet état-là, qui a cette caractéristique-là, bien qu'il est comme ça, eh bien il ne mérite pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc après le cheikh il dit qu'il y a une autre interprétation au sujet de ce verset là, et il dit والقول الثاني انها نزلت في اناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم باسلامهم وصاروا يتقربون الى الله بطاعه الله والضراعه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. Donc le cheikh il explique, il dit que l'autre position ou l'autre explication au sujet de ce verset, le verset 57 dans Al-Isra, c'est qu'elle a été révélée au sujet des gens qui adoraient parmi les mouchriquins. Il y a des gens qui parmi les mouchriquins, ils adoraient les djinns, ils adoraient un groupe de djinns, et les djinns se sont convertis à l'islam. Mais les gens qui les adoraient n'ont pas été au courant ou n'ont pas su qu'ils se sont convertis à l'islam, ces djinns-là. Donc, ils continuaient donc à les adorer, tandis que ces djinns-là, eux, commençaient à se rapprocher à Allah, hein, faisant des obéissances et en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. Et donc, ce sont des serviteurs d'Allah qui ont besoin d'Allah et qui sont pauvres. C'est-à-dire, ils ont besoin d'Allah, ils sont pauvres par rapport à Allah, comme on dit, et ils ne méritent donc aucune forme d'adoration. Comment tu peux adorer quelqu'un qui lui-même est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a besoin d'Allah autant que toi? Donc le cheikh il dit, وَأَيَّنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ سواء كانوا من الأنبياء الصديقين أو من الأولياء الصالحين فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه كيف يعبدون مع الله جل وعلا. الشيخ يقول peu importe la signification de ce verset là, que ce soit la première explication ou la deuxième, elles prouvent toutes les deux que ce n'est pas permis d'adorer des serviteurs d'Allah qu'ils soient, quand ils sont pieux, peu importe qu'ils soient parmi les prophètes ou parmi les rapprochés ou parmi les véridiques, que ce soit parmi les awliya ou les hommes vertueux, hein, il n'est pas permis de les adorer parce qu'ils sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment on pourrait les adorer avec Allah? Après le cheikh dit wal wasilatu ma'naha at-ta'a wal qurb. فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود، فالذي يوصل إلى رضا الله وجلته هو الوسيلة إلى الله، وهذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. donc le cheikh il explique, il dit que le mot al-wasila, la signification de al-wasila c'est l'obéissance et le rapprochement. Toutefois, dans la langue, al-wasila c'est quelque chose qui t'amène à ton but, hein, comme un moyen. Et, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui t'amène à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui t'amène vers son paradis? C'est ça al-wasila vers Allah, c'est qu'est-ce qui t'amène vers le paradis? Qu'est-ce qui t'amène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et les choses qui t'amènent vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'est-ce qu'il t'a légiféré, qu'est-ce qu'il a ordonné comme commandement et comme règle d'adoration. Et donc c'est ça les choses que tu dois faire pour arriver à son agrément et à son paradis et à faire qu'est-ce qu'il te demande. Donc c'est al-wasila. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 35 dans surat al-Ma'idah, il dit wabtaghu ilayhi al-wasila. Et rechercher vers Allah subhanahu wa ta'ala un moyen d'atteindre son agrément. Et le cheikh maintenant il explique qu'il y en a parmi les gens qui ont dévié dans le tawhid, ils essaient de donner au mot wasila une autre interprétation et une autre signification qui est fausse pour essayer de justifier le shirk billah, yani le fait d'associer des choses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent أما المخرفون المخرفون فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك، كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع، لأن الله أثنى على أهله. وفي هذه الآية وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله. قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه، والوسيلة معناها الواسطة، هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، هذه هي الوسيلة المشروعة. donc le cheikh il résume maintenant, il dit que pour les gens qui ont dévié dans la question du tawhid et qui essaient de justifier le shirk, ils déforment et ils changent la signification du mot wasila, et ils disent que ça veut dire que tu dois prendre entre toi-même et Allah des awliya et des salihin comme intermédiaires, et que tu les prennes comme des intermédiaires entre toi et Allah pour que eux te rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala, un peu comme les mouchriquins faisaient avec les idoles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit à ce sujet, le verset 3 dans sourate Az-Zumar, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ils prenaient uniquement les idoles pour se rapprocher à Allah, donc eux ils font la même chose. Donc le cheikh il dit que pour ces gens-là qui sont déviés et qui déforment la réalité, de prendre un wasila, de prendre un wasila, un moyen, c'est en fait pour eux de prendre un intermédiaire entre toi et Allah, pour que ces intermédiaires-là te fassent connaître à Allah. C'est comme par exemple aujourd'hui dans la dunya on a ces exemples de choses, ces genres d'intercession entre les êtres humains, quand on a besoin d'avoir quelque chose de la part d'une personne qui est haut placée, puis qu'on n'a pas accès à cette personne directement, on a besoin de quelqu'un qui va nous présenter à cette personne, ou qui va nous faire connaître à cette personne, comme par exemple le président. Tu peux pas accéder au président directement parce qu'il te connaît pas, donc tu as besoin de quelqu'un qui connaît le président, qui va te présenter à lui. Eh ben, eux, ils agissent avec Allah de la même façon, et ils font comme si Allah était un ignorant, comme s'ils connaissaient, comme s'ils ne te connaissaient pas. Il a besoin de quelqu'un pour que tu le connaisses, pour qu'il te connaisse, yani, pour te présenter à lui. Donc ça, c'est un des exemples qu'ils font, yani. Ils comparent Allah à la création, hein. تعرف الله بك وتنقل له حاجتك وتخبره عنك. Parce qu'il va demander pour toi à Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à Allah qu'est-ce que tu as besoin, et puis il va l'informer de toi. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas ce que tu as besoin. Et comme si Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un avait besoin de l'informer de ces choses-là. Alors que c'est lui qui sait tout ce qui est dans l'univers, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme le cheikh explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que nous-mêmes qu'est-ce qu'on a besoin. Donc il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous présenter à lui. Et après le cheikh il dit, ou bien comme si Allah était avare et qu'il ne donnait que parce que après qu'on ait pris un intermédiaire pour lui demander. Hein? Parce que ça arrive souvent et aller entre les êtres humains. Quand quelqu'un, par exemple, le président, comme l'exemple que j'ai donné par exemple pour le président, s'il a un ami à qui il a une faveur, ben quand toi tu dis à ton ami, va parler au président pour moi, lui il dit, ok d'accord, je vais lui demander parce que il me doit une faveur. Je lui ai rendu service, il me doit une faveur, et donc si je lui demande, il est obligé de m'accorder ma demande. Et donc, eux, ils prennent Allah de cette façon-là, comme si certains êtres humains ont des droits sur Allah subhanahu wa ta'ala, et que s'ils demandent à Allah, Allah ne peut pas leur refuser de cette façon-là. Et donc, comme si Allah était avare et qu'il pouvait, il pouvait pas donner, excepté à travers ces intermédiaires-là. Et le cheikh, il dit, c'est pour ça qu'il donne des shubuhat aux gens, quand ils expliquent ce verset-là. Verset 57 dans Surat al-Isra, quand il explique, ils disent que ce verset-là est une preuve pour dire que tu as le droit de prendre des intermédiaires entre toi et Allah et que c'est permis. Et donc, le cheikh il explique, il mentionne que ça c'est une déformation du verset. قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه. والوسيلة معناها الواسطة هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. Donc le cheikh il dit que Allah nous a ordonné de prendre un moyen vers lui, al wasila, et pour eux al wasila ça veut dire un intermédiaire. Donc c'est ainsi qu'ils déforment la parole et qu'ils la déforment de son contexte et de son sens réel. Donc le cheikh explique que dans le Coran et dans la Sunna, le mot wasila, ça veut dire que tu prends un moyen qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour te rapprocher à lui, pour atteindre son agrément. Et les moyens pour se rapprocher de lui ont été clarifiés dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est de l'obéir. Premièrement, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de chercher un moyen vers lui par ses noms et par ses attributs. Ça, c'est des exemples de moyens qui sont permis dans la charia. Tu demandes, premièrement, d'obéir à Allah, d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Allah par ses noms et par ses attributs. Ça, c'est un autre exemple. C'est ça qu'on appelle le tawassul, de chercher un wasila. Tu demandes à Allah par ses noms, par ses attributs. Tu obéis à Allah, ou bien tu demandes à quelqu'un qui est une personne pieuse, un rajul salih, de faire un dua pour toi. Tu dis comme par exemple, tu connais un frère, tu trouves que c'est un frère qui est correct dans l'islam et tout, tu dis « Ah, il fait un dua pour moi ». Ou bien tu sais qu'il va partir en voyage, et que c'est un frère qui est en voyage, donc la personne qui est voyageur, son dua est d'exaucer. Walaykum salam wa rahmatullah. Donc puisque son dua est exaucé, tu lui dis « Ah, il fait un dua pour moi ». Ça, c'est un exemple de moyen que tu peux prendre pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah. Ça, c'est des moyens qui sont légaux. Après, le cheikh, il dit, أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة، وسيلة شركية، وهي التي اتخذها المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. Ça c'est pas écrit, mais c'est la suite du verset. Et le cheikh dit après, « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سواء بسواء وإن سموه وسيلة فهو الشرك بعينه ليس هو الوسيلة التي شرعها الله. Le cheikh dit que, tandis que pour les gens qui sont déviés, pour les gens qui ont déformé le tawhid et qui se sont égarés, le tawassul par les créatures, c'est ça pour eux, le tawassul, c'est de faire le tawassul par les créatures, de demander, de chercher un moyen pour aller vers Allah par les créatures d'Allah. Et ça, c'est un tawassul qui est en fait basé sur le shirk, shirkiya. Le cheikh il dit que c'est exactement ça que faisaient les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne le verset 18 de surat Yunus qui dit « Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Et il mentionne aussi le verset 3 dans surat Az-Zumar. Et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des awliyas, des alliés, des intermédiaires, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent. Pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ça, c'est le shirk des premiers et des derniers. Et c'est exactement la même chose que font les gens qui adorent les tombes aujourd'hui. Et donc le cheikh il dit, cette forme de choses là qu'ils font, même s'ils essaient de l'appeler par un autre nom, c'est du shirk. Ils font le shirk et puis ils essaient de lui donner un autre nom, comme par exemple At-Tawassul. Ils disent on cherche un wasila. Donc le shirk il dit que le nom qu'on donne à quelque chose, c'est pas ça l'important. Il faut regarder la réalité de qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Par exemple, moi quand je parlais avec des chrétiens des fois, je leur disais comment ça se fait le premier commandement dans la Bible, c'est quand vous dites le premier commandement, c'est de ne pas faire des images et des statues et de graver ou de sculpter quoi que ce soit. Et vous, quand vous entrez dans vos églises, la première chose que vous voyez, c'est des images et des statues. Et vous vous mettez à genoux devant ces images, devant ces croix, devant ces statues, et puis vous priez devant. Donc, ils m'ont dit non, mais nous on les adore pas, on les respecte. Donc, c'est ça. Donc, ils ont pris le mot, au lieu de dire adorer, ils ont dit respecter. Mais c'est la même chose, qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk. Et j'ai dit, c'est quoi la différence entre qu'est-ce que vous faites avec vos statues et qu'est-ce que les hindous font avec leurs statues. Ils ont dit, non, c'est pas la même chose. J'ai dit, c'est quoi la différence. Ils ne sont pas capables, c'est pas la même statue, mais c'est une statue quand même. Donc on voit que c'est exactement le même shirk, sauf qu'ils essaient de changer de changer la, le nom, il change le nom pour essayer de le rendre halal, pour dire que c'est pas shirk. D'accord? Alors, le cheikh il dit, أن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا وإنما الشرك مبعد عن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فكيف يجعل الشرك وسيلة إليه وسيلة إلى الله تعالى الله عما يقولون شيخ الزيت comment on peut faire du shirk un moyen pour se rapprocher d'Allah? Ça c'est quelque chose d'absurde. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait du shirk un moyen pour se rapprocher vers lui. Parce que le shirk c'est quelque chose qui t'éloigne d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 73 ou 72 dans surat al-Ma'ida, celui qui fait le shirk avec Allah sera interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Donc, Allah, comme le cheikh il dit, Allah ne fera jamais du shirk un moyen pour se rapprocher à lui. Ta'ala Allahumma anma yaqulun. Après, il dit, comme deuxième argument dans ce verset-là, وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ فِيهَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَعْبُدُ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ اللَّهَ بَيَّنَ ذَلِكَ وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتقربون إليه بالطاعة أيهم أقرب يتسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه من كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها ويدعى ويعبد مع الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le témoin ou le point qu'on peut prendre comme preuve dans ce verset là qu'on a mentionné aussi également à propos du verset qui parle de al-wasila, c'est que le cheikh il dit que il y a également la preuve que les mushrikins, il y a parmi les mushrikins des gens qui adorent les hommes pieux et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ça dans ce verset-là. Et il a clarifié que ces hommes pieux-là sont eux-mêmes des serviteurs et qu'ils ont eux-mêmes besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont pauvres. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ils cherchent vers Allah un moyen pour avoir son agrément, par son obéissance. Ils se rapprochent à Allah par son obéissance. Et Allah, il dit dans le verset, « Ayyuhum aqrab ». Ayyuhum aqrab, ça veut dire quoi? Lequel d'entre eux est le plus proche? Ils essaient de se compétitionner les uns les autres dans l'obéissance d'Allah pour savoir lequel d'entre eux sera le plus près d'Allah. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire des efforts dans l'adoration pour se dépasser les uns les autres dans l'adoration pour savoir lequel d'entre eux va être le plus près d'Allah. Hein? Et ça, c'est pour montrer qu'ils ont besoin d'Allah et qu'ils sont yani, pauvres devant Allah. Et ils souhaitent sa miséricorde et ils espèrent en son châtiment. Donc ça, ça prouve que celui qui est, selon cette description-là, il ne peut pas être adoré, il ne peut pas être considéré comme une divinité, et donc il ne mérite pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, puis on continuera ça après la pause, inshallah. La prière, c'est... Ok, donc Asr, c'est dans une demi-heure, donc après l'Asr, on va continuer, Inch'Allah. D'accord ? Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.